Tchèque. La musique c'est ma force, elle timbre, c'est qui me réconforte. J'ai besoin d'elle pour m'évader, j'ai aussi besoin d'elle pour ne pas sombrer. La famille c'est ma seule raison, les décevoir il n'en est même pas question. Je vis dans un bas monde où tout se conjugue à l'imparfait. Je fais du mieux que je peux même si je sais que tout n'est pas parfait. Les gens me méprisent, c'est pas grave, moi je relativise. Les semaines c'est ce que je vis, tu veux me porter la haine, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Les gens aiment enfanter tes filles, voilà pourquoi la mienne est un tissu de mensonge. Où j'ai fait des trucs haram, mais t'en fais pas, me range, moi aussi j'y songe. Je vois clair dans tes yeux, pour toi ton but est de faire mieux. Car la vie pour toi n'est qu'un jeu, mais sache que tu te trompes mon vieux. Ce Abby Story, nananana, nananana, ce Abby Story. Yeah, ce Abby Story. Ce Abby Story. Ce Abby Story. Ce Abby Story. Ce Abby Story. Ce Abby Story.